Société Réflexe, bonjour. Bonjour madame, je voudrais parler à Daniel Rodin, s'il vous plaît. Oui monsieur, c'est de la part de qui ? De la part de Frédéric Lemaître. Ne quittez pas, je vous le passe. Je suis désolée, son poste est occupé. Vous patientez ? Vous voulez laisser un message ? Non merci, je le rappellerai plus tard.